Le mot chinois pour dire trop, c'est Tai. Tai. Doigt noir pointé vers le sol. Tai. Pour dire trop. Dites-vous qu'il fait trop chaud en Thaïlande. En français, trop a souvent une connotation négative, comme dans il fait trop chaud ou il est trop gros. Mais aujourd'hui, il peut aussi avoir un sens positif dans trop bon ou trop bien, par exemple. C'est exactement la même chose en chinois. Alors, comment dites-vous trop comme dans trop occupé? Tai. Et occupé? Tai. Mon. Comment dites-vous occupé? Mon. C'est mon avec un doigt bleu levé. Et comment direz-vous trop occupé? Tai mon. C'est mon. Tai mon. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors, comment dites-vous trop occupé avec le ton du doigt bleu levé? Tai mon. Alors, le mot pour dire pouvoir comme dans peux-tu faire cela se dit en chinois? Non, non, doigt bleu levé, non, pour dire pouvoir. Alors mon fils ne connaît qu'un seul mot, non. Il faut sans arrêt que je lui rappelle, tu ne peux, non, pas toujours dire non à maman. Alors comment dire, pourquoi es-tu trop occupé maintenant pour me voir? En mandarin, on dira, pourquoi tu trop occupé? Ne pas pouvoir voir moi. Alors pourquoi? Wei shen me. Tu. Ni. Maintenant. Xian zai. Trop occupé. Tai mang. Ne pas pouvoir. Bu neng. Me voir, c'est-à-dire rencontrer moi ou je. Jian wo. Pourquoi es-tu trop occupé maintenant pour me voir? Wei shenme ni xian zai tai mang bu neng jian wo. Dites-moi, peut-elle le voir maintenant dans le sens de rencontrer quelqu'un? Littéralement, rencontrer lui ou il. Mais dites d'abord elle. Ta. Maintenant. Xian zai. Peu. Neng. Voir, rencontrer. Jian. Lui ou il. Ta. Le mot interrogatif. Ma. Peut-elle le voir maintenant? Ta xian zai neng jian ta ma? Comment direz-vous? Je voudrais te voir maintenant, mais tu ne veux pas me voir. Pourquoi? Dites d'abord je. Wo. Maintenant. Jian zai, non. Xian zai. Vouloir, avoir envie de. Tiens. Voir dans le sens de rencontrer. Tiens. Toi ou tu. Ni. Mais. Que. Tu. Ni. Ne pas vouloir. Ne pas avoir envie de. Bu xian. Voir, rencontrer. Jian. Moi ou je. Wo. Pourquoi. Wei shen me. Comment direz-vous vouloir avoir envie de. Xian. C'est xian. Avec le V rouge de la victoire. Xiang. C'est bien. Et maintenant, comment dites-vous mais? 口是 c'est que, on dit 可是 可是 oui, 可是 Je voudrais te voir maintenant, mais tu ne veux pas me voir. Pourquoi ? Je voudrais te voir maintenant, mais tu ne veux pas me voir. Pourquoi ? Vous venez de terminer votre leçon d'introduction. Vous pouvez d'ores et déjà voir tout le travail accompli et être fier de cette réussite. Une réussite vraiment magistrale. Et c'est à vous seul que vous devez d'avoir appris autant de choses en si peu de temps.